Session de bénédiction pour le mois de février de l'année 2022. Donc, s'il y en a que ça intéresse parmi vous, eh bien, vous êtes les bienvenus dans les prochaines minutes pour vous joindre à moi et procéder à une session de bénédiction. Donc, de l'utilisation de la volonté que vous pouvez manifester dans l'optique de commander à l'univers. Partir du principe que votre conscience n'est pas séparée du reste de l'univers, mais que tout est interrelié. Donc, si on part du principe qu'il n'existe qu'un seul champ quantique où tous les éléments sont interreliés par rapport à ce champ de déploiement, de manifestation, et que la conscience a un pouvoir de constituer la réalité, donc en partant du principe que le monde n'existe pas en soi, mais que le monde existe par soi, que la conscience constitue la réalité et qu'on peut orienter la conscience pour constituer une réalité qui nous avantage. Et aussi, partir du principe tout simplement qu'il existe l'effet placebo, et qu'à partir de cet effet-là, eh bien, le fait de nourrir un état d'être particulier ou une intention de conscience peut avoir une incidence sur le corps biologique, parce que l'esprit et le corps sur le plan physique sont interreliés. Eh bien, comme la conscience est interreliée avec l'univers, et c'est sur ce principe-là que la session de bénédiction va s'appuyer. Donc, on va débuter dans les prochains instants. Je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de vous asseoir confortablement à un endroit que vous savez qu'il va être calme dans les prochaines minutes. Par la suite, vous pouvez, une fois que c'est fait, fermer les yeux. Après, vous pouvez prendre de grandes inspirations et expirations pour vous mettre dans un état de centricité, de disponibilité interne aussi, de manière optimale à ce qui va être dit. Donc, vous pouvez inspirer et expirer calmement. Vous pouvez le faire encore une autre fois en inspirant et aussi en expirant. Vous pouvez le faire encore une dernière fois de manière intentionnelle et consciente en inspirant et ensuite en expirant. Par la suite, eh bien, vous pouvez, si vous le désirez, répéter à ma suite les différentes bénédictions. Donc, dans les prochaines minutes, tout d'abord, je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je visualise simultanément que j'installe la lumière dans mon corps physique, biologique, la lumière de ma conscience, qui peut avoir une capacité régénératrice, vitalisante, calmante, apaisante, et ensuite aussi dans ma structure émotionnelle. Je visualise l'équilibre de mes émotions, l'unification de mes différents états internes à ma conscience globale. Puis par la suite, je visualise l'unité dans ma dimension mentale, intellectuelle. Je visualise l'ordre dans ma psyché, un état d'harmonie que j'induis progressivement en le constituant en moi. Je bénis ensuite la force et la puissance de mon système immunitaire qui participe à la santé de mon corps biologique. Je bénis, donc j'investis de mon être la longévité et la santé de mon corps physique. Je le constitue dans le champ de ma conscience comme étant chargé de l'énergie éthérique, c'est-à-dire de mon être profond, pour l'investir d'un état de plénitude, d'une densité d'énergie régénératrice. Je bénis ensuite ma prospérité financière. Je bénis la richesse dans ma vie et aussi ma conscience pour qu'elle soit disponible à toute opportunité financière qui peut se présenter à moi. Je bénis bien entendu ensuite ma joie de vivre pour être heureux au quotidien, en m'appuyant sur le principe très simple que sur ce quoi on centre notre attention, c'est sur quoi qu'on peut faire croître en soi. Donc, en centrant mon attention sur la joie, le fait d'être heureux, eh bien, ça participe à faire croître cet état d'être en moi, à l'amplifier. Au même titre que si on centre notre attention sur l'amour qu'on peut ressentir par rapport à la vie en général, par rapport aux humains, à certaines personnes de notre environnement qu'on apprécie, eh bien, on va nourrir ça. Donc, la conscience, dans sa capacité constitutrice, va générer des états d'être particuliers qui peuvent être accompagnateurs d'un vécu. Donc, la personne qui va investir régulièrement sa conscience de joie en s'ancrant dans cet être, eh bien, elle va être davantage disponible pour célébrer la vie, être capable de s'amuser comme un enfant. Donc, je bénis ma capacité à faire preuve de joie de vivre au quotidien comme un enfant qui joue. Et je bénis que cette attitude est propice à ma santé et à la puissance de mon système immunitaire. Je bénis ma joie de vivre en dépit de ce qui peut se produire dans l'environnement. Je bénis ma capacité de rire, d'être dans l'esprit du jeu au quotidien. Je bénis ensuite la puissance de ma volonté, de mon intelligence aussi pour les faire croître. La bénédiction a une capacité de multiplication, d'amplification de certains éléments. Et la conscience peut orienter la croissance de certains éléments de par sa volonté. Donc, et il peut avoir ce qu'on appelle des cercles vertueux, au sens que la personne utilise sa volonté pour bénir sa volonté, pour qu'elle grandisse davantage en puissance, en force, au fil du temps. Je bénis ensuite ma résidence, le lieu où que je vis, pour que ce soit un endroit qui soit toujours chargé d'énergie régénératrice. Je bénis le lieu où ce que je vis pour qu'il soit chargé de la lumière de mon être, qu'il soit chargé de beauté, que ce soit un lieu qui soit propice à ma vitalité, que ce soit un lieu où je peux me ressourcer dans un état d'être qui est propice à ma santé. Ensuite, je bénis la capacité régénératrice de mon sommeil, qu'elle soit présente à chaque fois que je dors. Ensuite, je bénis ma stabilité psychique pour qu'elle soit puissante et grandissante en dépit des événements auxquels je peux être confronté dans l'environnement, en relation avec des gens, des situations. Et en même temps, bien, je bénis aussi les gens que je rencontre pour que les échanges avec eux soient agréables, courtois, harmonisés à mon être aussi. Par la suite, je bénis la vitalité de mon corps énergétique pour qu'elle soit grandissante. Je bénis ensuite ma capacité à rencontrer les alliés de ma vibration, de ma conscience. Je bénis l'actualisation de mon plein potentiel, ici et maintenant. Je bénis le bon déroulement des voyages que j'effectue, ou que je suis appelé à faire. Je bénis ma capacité de savoir. Je bénis ma capacité d'avoir accès à mon être profond qui me donne accès au savoir absolu, maintenant. Car maintenant, c'est toujours, et ici, c'est partout. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis mon unité avec l'esprit et la capacité à écouter mon être. Je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus puissante, qu'elle s'amplifie avec le temps. Et je bénis la puissance de mon énergie étérique pour qu'elle soit de plus en plus grandissante. Ensuite, je vais procéder au balayage psychique de différents organes relatifs à mon corps sur le plan biologique. Tout d'abord, je vais partir d'en haut, c'est-à-dire la tête. Donc, je vais visualiser que ma conscience est présente à l'intérieur de ma tête en particulier. Je visualise l'harmonisation des deux hémisphères cérébraux, le gauche et le droit, pour qu'ils soient dans un état d'unité. Je visualise qu'ils sont traversés par une lumière qui va les régénérer. Une lumière qui est en train d'effectuer un travail sur eux en régénérant donc les hémisphères cérébraux. Je visualise un état d'unité psychique qui s'installe. Je visualise l'énergie régénératrice qui est présente dans ma tête et qui va se rendre à la gorge. Je visualise que l'énergie s'y trouve à présent et qu'elle va permettre à ma parole d'être de plus en plus chargée de l'énergie étérique chargée de la vibration de la vie. Je visualise que ma gorge est maintenant chargée de lumière. Par la suite, je visualise que l'énergie lumineuse descend dans mon corps et investir la zone qui me sert à respirer, c'est-à-dire mes poumons. Je visualise à présent que mes poumons sont englobés par un champ d'énergie lumineux qui est propice à leur santé, à leur fonctionnement optimal, à leur régénération. Je visualise que je perçois la densité de cette énergie régénératrice qui va à présent se rendre aux reins. Pour les constituer comme étant des agents filtrateurs efficaces des substances que j'absorbe. Je visualise que les énergies qui rentrent dans mon corps, les substances autant liquides que solides, s'harmonisent à cette énergie de vie, cette énergie éthérique. Ensuite, j'investis de lumière mes reins, comme tous les différents organes de mon corps, pour favoriser une fonction de ces derniers qui est optimale. Ensuite, je visualise que l'énergie descend dans mes intestins. Qu'elle suit à présent l'énergie, le parcours de mes intestins qui est utilisé par les substances que je vais digérer sur le plan biologique. Je visualise une lumière régénératrice teintée d'amour de soi, s'installer de plus en plus dans les intestins. Ensuite, je visualise que l'énergie va se rendre à la zone de mon sexe sur le plan physique pour lui aussi l'investir de lumière, de santé. Par la suite, je visualise que l'énergie va descendre dans mes cuisses, dans mes genoux et également en dessous de la plante de mes pieds. Et maintenant, je visualise que je suis installé dans la lumière de mon être, dans une énergie vitalisante qui me parcourt de la tête en passant par mon cœur, mes poumons, mes reins, mes intestins, mon sexe et également mes genoux pour se rendre aux pieds. Je suis présent maintenant à cette énergie et le fait d'y être présent en amplifie ma perception que j'en ai et également son efficacité à favoriser la santé de mon corps biologique. À présent, je visualise qu'une aura de lumière se superpose à mon corps physique et que ce champ d'énergie tourbillonne alentour de moi et également en moi et qu'il génère un état de paix, d'unité, de santé qui est grandissant. À présent, vous pouvez ouvrir progressivement les yeux, advenant que ça ne soit pas fait. Vous pouvez aussi bouger les membres de votre corps, que ce soit les mains, les pieds. À présent, je réactive la conscience que j'ai avec mes sensations corporelles, comme la respiration, tout en conservant un état de bien-être interne, un état de revitalisation, un état d'énergisation, un état qui est sain et propice à mon épanouissement. Et je me sens bien, je me sens détendu, heureux et apte à faire face aux réalités du quotidien. C'est ce qui complète maintenant cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.